Salut à tous, bienvenue dans Salut les 60. Aujourd'hui, nous allons évoquer l'âge d'or du rock'n'roll en retrouvant les pionniers du rock'n'roll américain et les vétérans du rock français, anglais, italien ainsi que quelques autres. Tout d'abord, il faut savoir que cette musique de sauvage, comme l'appelaient nos parents, a pour origine le blues noir croisement dégénéré des premiers chants africains des esclaves importés en terre nord-américaine et le country and western des fermiers et cow-boys blancs nés dans les grands espaces et au pied des collines. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h. Merci de nous tenir compagnie. A baby walking down the street. When I look into your eyes, I wanna leave. I can't conceal that you make me feel like a tiger. Ooh, like a tiger. Ooh, just to see my only drives me on the ground. Wow, I'm feeling stronger than a grizzly bear, soaring like an eagle flying through the air. When I get you in my arms, you better beware. I go insane, cause I can't be tame like a tiger. I wanna growl. Wow. You keep my heart jumping like a candy, floating like an onion in a bowl of stew. Baby, every time you come, I run like an antelope to get to you. I'm your tiger and you're my mate. Hurry up, buttercup, and don't be late. I might get mad if I have you wait. Come right now, cause I'm on the prowl like a tiger. And you're my mate. Hurry up, buttercup, and don't be late. I might get mad if I have to wait. Come right now, cause I'm on the prowl like a tiger. Ooh, like a tiger. Ooh, just to see you smile, Billy Driver. tight. Gotta find a brand new baby, and that's the reason why I'm going to Kansas City. Kansas City, here I come. Got some crazy little fellows there, how am I gonna get me one? Got some crazy little fellows there, how am I gonna get me one? Got some crazy little fellows there, how am I gonna get me one? Got some crazy little fellows there, how am I gonna get me one? Just one. Salut les 60, la légende en musique sur Radio Gémozo. Lorsque le soir on se retrouve tous les deux, rien que nous deux. Lorsque fou de désir on tire les rideaux sans dire un mot, un seul mot. Le silence pour seul témoin. Mon amour, on est si bien. Oui, on est si bien. Jusqu'au petit matin, que l'on n'en demande plus rien. Nous on s'embrasse comme ça. Ah, nous quand on se regarde comme ça. Ah, nous quand on se caresse comme ça. Ah, nous quand on s'enlace comme ça. La joie fait rage dans nos cœurs. L'amour coule et les hommes ont les tibres de bonheur. Ouais, la pluie peut bien frapper nos carreaux dans un abri d'enfer. Ouais, et la terre peut bien trembler sous les effets du tonnerre. Nous on s'en fiche, on entend rien, on a autre chose à faire. Quand on s'embrasse comme ça, nous quand on se regarde comme ça, nous quand on se caresse comme ça, nous quand on s'enlace comme ça, la joie fait rage dans nos cœurs, l'amour brûle les euros, les tibres de bonheur. Que nous allons passer ensemble, il y avait Fabian, le rival d'Elvis Presley avec Tiger, Wanda Jackson, l'une des reines du rock'n'roll américain, et à l'instant c'était Johnny Hallyday, nous quand on s'embrasse. Au sommaire de Salut les 60, un hommage en musique aux pionniers du rock'n'roll. Nous évoquerons les actualités de l'époque. Adaptation contre version originale tout au long de l'émission, vous retrouverez nos matchs. En tout cas, merci de nous écouter. Excellent après-midi sur Radio Gémozo. Yeah. 1957. Elvis chante et joue Jailhouse Rock. Serpent de mer historique, le projet de tunnel sous la Manche refait son apparition. Federico Fellini met en scène sa femme Giulietta Massina dans Les Nuits de Cabiria. On est bien dans les bras. Jean Cocteau inaugure sa chapelle à Villefranche-sur-Mer. Et les mamans enduisent leurs enfants de Vicks Vaporub. Dans ses bras, voilà. Polanka immortalise Diana et le four devient auto-nettoyant. Le traité de Rome est signé à Rome. C'est encore un pas vers l'Europe. Lorsque l'on tient entre ses mains cette richesse, la Sarre est rattachée à l'Allemagne. Avoir 20 ans le lendemain, plein de et la Gacon disparaît. Guy Laroche présente sa première collection. Porte des lilas à sort. Sitcharis et la Belle de Moscou aux côtés de Fred Astaire. Et pour la cinquième fois, Fangio est champion du monde de F1. Lui dans un instant, grâce à la lueur que j'ai dans l'œil, elle est tombée comme une feuille, en mes camarades en autant. On s'est aimé comme des deux, à ce labour en serre et c'est bleu. Le flamme nous jouait dans un coin, des airs de jazz qui swingaient bien. Mais à la fin j'avais si faim que j'ai appris le bar du coin à l'eau du port. Montez-moi donc, de quoi manger, sinon je vais crever. Qu'est-ce qu'il faut vous apporter? Apportez-moi sans hésiter. Rock and roll, avec du pain beurré. Rock and roll, et du bifteck caché. Rock and roll, avec un œuf à cheval. Rock and roll, je me sens cannibale. Des escalopes de kangourou, du sauciflard, de serpachou, du foie de lion au salsifite, la tête de la refroidie confite. Et dans un plat, rien que pour moi, bien préparé, pas trop assaisonné. Rock and roll, ça va réconforter. Rock and roll, je suis plein à craquer. Rock and roll, ma force a décuplé. Rock and roll, on est retourné se coucher. Et du bifteck caché, avec un œuf à cheval. Je me sens cannibale. Des escalopes de kangourou, du sauciflard, de sapajou, du foie d'oignon au salsifis, la tête de la refroidie confite. Et dans un plat, rien que pour moi, bien préparé, pas trop assaisonné. Ça m'a réconforté. Je suis prêt à craquer. Ma force a décuplé. On est retourné se coucher. En quelques grimaces de Salvador, quelques coups de plume de Michel Legrand et de Boris Vian, sont lancés de petites merveilles d'humour sur Micro-Sillon, comme justement ce rock'n'roll Mops, le premier vrai rock français, peut-on dire. Co-signé par Elvis Presley, Love Me Tender, je vous propose sur Radio Gamozo la version originale. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love Me Tender, un titre extrait de la bande originale du film où apparaît Elvis Presley. Un tube de l'année 56. 7 ans plus tard, 7 ans 63, Sylvie Vartan reprend le I Got It de Gene Vincent sous le titre Comme tu es fou. Tu dis je t'aime sans savoir même toutes les choses que cela pose. Il me faut croire, oui, toujours te croire. Être docile, c'est difficile. Sans savoir même, tu dis je t'aime, chérie. Oui, tu es fou. Hey, et c'est ainsi depuis le tout premier soir. Tu m'appelais, oui, déjà ton espoir. Tu répétais partout aux alentours que c'était moi ton grand amour. Tu dis je t'aime sans savoir même ce que je pense d'une romance. Ton doux sourire, oui, je dois le dire, a bien du charme pour une femme. Sans savoir même, tu dis je t'aime, chérie. Oui, tu es fou. Hey! Tu dis je t'aime sans savoir même si pour te suivre mon cœur est libre. Si pour te plaire, oui, sur cette terre mon cœur regrette quelqu'un peut-être. Sans savoir même, tu dis je t'aime, chérie. Oui, tu es fou. Hey, et c'est ainsi depuis le tout premier soir. Tu m'appelais, oui, déjà ton espoir. Tu répétais partout aux alentours que c'était moi ton grand amour. Tu dis je t'aime, pourtant quand même, lorsque j'y pense, j'ai de la chance. Mon cœur est libre, oui, je peux te suivre à la seconde, au bout du monde. Vois-tu quand même, au fond je t'aime, chérie. Oui, on est fou. Ouais. Les Chaussettes Noires ont toujours été considérées par les amateurs comme le groupe fondamental du rock français. Après un premier 45 tours qui aura l'effet d'une bombe sur les ondes radio, maintenant que ce premier disque les a fait connaître, Barclay estime qu'il faut assurer ce succès par un second 45 tours. Les Chaussettes Noires enregistrent Betty, Je t'aime trop, Daniela et Eddie Sois Bon, reprise du Johnny B. Goode de Chuck Berry. Un classique, d'accord. Mais quand ils reprennent des classiques, les Chaussettes Noires les personnalisent totalement. Ainsi, sur des paroles de Claude Moine et des ronflements d'Eddie Mitchell, Eddie Sois Bon devient une véritable pièce d'anthologie. Thank you.

that's all so pretty. I found her right here in the windy city. Somebody kissed my baby last night. My pretty baby cried, you know it wasn't right. Started to cry in vain. Say, Bo Diddle, you know you're not your bone man. I say, I love you, baby, with all my heart. Please don't never say we're apart. Bold Dilly, Bold Dilly, here's I see. I wanna know if you do love me. My gal is red hot, your gal ain't doodles, yeah! My gal is red hot, your gal ain't doodles, what? Well, she ain't got no money, but man, she's really got a lot. Well, I got a gal, 6 feet four, sitting in the kitchen with her feet out the door, but my gal is red hot, your gal ain't doodles, yeah! My gal is red hot, your gal ain't doodles. Well, she ain't got no money, but man, she's really got a lot. Well, she walks all night, talks all day. She's the kind of woman who'd have a way, but my gal is red hot. Well, she's the kind of woman who lounge around with my bitters all over town, but my girl is red hot. But she's a one-man woman, that's what I like. Not a wishy-washy woman, change your mind every night. But my gal is red hot, your gal ain't too. Pour la première fois, des médecins français testent un cœur artificiel et le professeur Salk, grâce à son vaccin, vont supprimer la poliomyélite en 3 ans. En URSS, un Khrouchtchev omniprésent procède à la déstalinisation. En Hongrie, le peuple se soulève contre l'Union soviétique. Les écrans offrent à nos yeux émerveillés Marilyn dans Busta. Le dernier James Dean posthume, géant. Et Baby Doll. Jacques Antil, jeune champion pressé, bat le record du monde de l'heure. Et les Anglais battent le record de vitesse en avion supersonique. En effeuillant la marguerite et censuré. Alors, raconte. Françoise Arnoux épouse Georges Craven. Homo garantit la chemise la plus propre du monde. Et le tennisman Ken Rosewall enflamme les cours. Doing an odd looking skip. I potted the weeds and looked over the swamp, and I seen them cats doing the you bangy stomp with the rock and roll. Beats anything that's ever been told. The you bangy stomp and you bangy style, when it hits, it drives a cool cat wild. Chief, he invited me in. He said, hey, big jam session about to begin. He handed me a tom-tom, I picked up that beat. That crazy thing sent shivers to my feet. I rocked and I rolled and I skipped with a smile. I done the you-bangy storm, you-bangy style. Had a good rocking time where the chief's daughter made. I was making good time and getting in the know. But Captain said, son, we gotta go. I said, that's all right, you go right ahead. I'm on a you bang and stomp till I roll over dead. Warren Schmidt, Ubangi Stomb. Si les Américains furent les premiers en la matière, en France, il fallut attendre les années 60 et notamment l'année 61 pour voir les premiers groupes de rock français inspirés du rock américain. Il y eut d'abord les Chaussettes Noires, puis en mai 1961, les Chats Sauvages enregistrent leur premier 45 tours sur lequel figure entre autres Ma Petite Amie est Vache, un morceau de bravoure qui n'est d'autre que le Mean Woman Blues affublé de paroles inoubliables. Ma petite amie est vache, je ne vous dis que ça. Ma petite amie est vache, je ne vous dis que ça. Au fond, elle est presque aussi vache que moi. Ah oui, ah oui, un gros chat noir est mort de peur, tué par ses yeux de pâleur. Oh, ma petite amie Eva, je ne vous dis que ça. Au fond, elle est presque aussi vache que moi. Ah oui, ah oui, ses petites mains, sans le vouloir, m'ont fait un œil au beurre noir. Oh, ma petite amie Eva, je ne vous dis que ça. Au fond, elle est presque aussi vache que moi. Les soirs, elle doit comme un trou, et tout d'un coup, elle casse tout. Oh, ma petite amie, eh ben, je ne vous dis que ça. Au fond, elle est presque aussi vache que moi. Ah ouais, ah ouais, yeah! Un sale voyou, en me laissant seul et sans un sou. Oh, ma petite amie Eva, je ne vous dis que ça. Au fond, elle est presque aussi vache que moi. Ah ouais, au fond, elle est presque aussi vache que moi. Au fond, elle est presque aussi vache que moi. Sur les traces délicats arrivent Gélou, Nicole Paquin et Jackie Steven. Gélou, vedette des disques BAM, est originaire de Lille. Elle participe au numéro 1 de Demain. En 1957, elle doit attendre 1961 et la vague rock pour se lancer sérieusement. Cette blonde élancée en pantalon et pull noir affirme que son public préféré est celui des blousons noirs. Accompagnée par le Machiavel Rock, elle obtient une certaine renommée. Mais Gélou réalise très vite que le mariage est plus sécurisant que la chanson. Gélou sur Radio Gémozo, Dan, Dan, Dan. Ça donnait l'air léger, le soleil bien rouge. Mais pour te désaltérer, on t'a tout donné. Pour que tu as tout reçu, donne, donne, donne. Donne à ceux qui sont perdus, à ceux qui sont nus. On t'a donné la mer bleue qui danse à ta porte. Le vent, le ciel et les dieux, la neige et le feu. Puisque tu as tout reçu, donne, donne, donne. Donne à ceux qui sont perdus, à ceux qui sont nus. On t'a donné les baisers d'une jolie mère et ses mains pour te bercer, pour te caresser. Puisque tu as tout reçu, donne, donne, donne. Donne à ceux qui sont perdus, à ceux qui sont nus. On t'a donné l'amitié de ton camarade. On t'a donné un métier et le monde entier. Puisque tu as tout reçu, donne, donne, donne. Donne à ceux qui sont perdus, à ceux qui sont nus. On t'a donné les yeux verts d'une fille rousse, délicieuse du univers où ton cœur se perd. Puisque tu as tout reçu, donne, donne, donne. Donne à ceux qui sont perdus, à ceux qui sont nus. On t'a donné une voix doigt pour chanter la vie. On t'a donné une voix pour chanter la joie. Chante, chante à pleine voix, donne, donne au monde. Chante, chante à pleine voix, oh donne, oh donne, oh donne autour de toi. Salut les 60, bienvenue dans la musique des 60s, bienvenue sur Radio Guénoso. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and moved me, honey. I've changed my mind, this love is fine. It's just great balls of fire. Kisses, baby. Mmm, feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a ship. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. I chew my nails and then I twitch all my thumbs. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. It's just great balls of fire. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a sugar. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. Ain't you trying to kill that I quit on my thumb? Real nervous, the bloody show is fun. Come on, baby, drive crazy. Goodness gracious, just great balls of fire. Jerry Lee Lewis, Great Ball of Fire. Le 17 mars 1956, on apprend la mort de la physicienne française Irène Joliot-Curie, prix Nobel de physique avec son mari en 1935. Le 24 en Tunisie, Bourguiba est nommé chef du gouvernement à vie et les Allemands s'inquiètent des effets néfastes de la pollution, 1 million de tonnes de poussière par an. Ce cri de jeunesse, adoré par les uns, décrié par les autres, a marqué le 20e siècle. Voici son épopée chantée par Eddie Mitchell. Il y a au moins 15 ans de cela, un son venait des USA. Le rock'n'roll était né, son parrain Bill Haley. Un son neuf a déferlé. La terre s'est enflammée. Le recueil, c'est l'être de noblesse. À sa majesté, Altesse. Elvis Presley, premier du nom. Hélas, il change de ton. Il a mis de l'eau dans son rock. Mais je salue son époque. Le rock est notre vice, c'est la faute à Elvis. Nous l'avons dans la peau, c'est la faute à Ringo. Je viens rendre hommage au grand Jerry Lee, Chuck Berry, Jim Vincent, Holly Cochrane et tant d'autres qui du rock furent les apôtres. La légende s'est créée dans laquelle ils sont entrés. Arrivèrent quatre génies qui devinrent nos amis. Ils ont sauvé la vieille Angleterre. La livre sterling peut en être fière. Les Beatles ont tout changé. La voie du rock est tracée. Qu'est notre vice, c'est la faute à Elvis. Nous l'avons dans la peau, c'est la faute à Ringo. neige fantastique. Voici de la grande Amérique. James Bond écrit, il se déchaîne. Otis Redding en fait de même. Ça fait 15 ans que cela dure. Le rock'n'roll a la vie dure. Le rock est notre vice. C'est la faute à Elvis. Nous l'avons dans la peau. C'est la faute à Ringo. Monsieur Di Michel, l'épopée du rock sur Radio Gémozo jusqu'à 17h. L'épopée du rock'n'roll se poursuit avec notamment Johnny Hallyday, Les Jokers, Jane Vincent et Brenda Lee, Rock the Bop. Oh, well, I'm old enough to chick and old enough to rock the bop. Oh, well, I'm old enough to cheek and old enough to rock at the bar. I got on a swing of jeans and I'm looking for a dream, cause I'm old enough to rock at the bar. I like the sax when it starts to scream. Man, I'm gone and I dig the scene. The drummer in the band is a setting the beat. And I'm sitting here with the itchy feet. Because I'm old enough to kick and old enough to rock the bar. Well, I'm old enough to kick and old enough to rock the bar. Sitting by me, but he's so dumb that he can't see that I'm old enough to kick and old enough to rock the bar. Oh, well, I'm old enough to kick and old enough to rock the bar. À Bizerte, des manifestations anti-françaises ont lieu. Le 13 mai, emmenés par les généraux Massu et Salan, Alger se soulève. Et grâce au pilotage automatique, les avions se posent sans les mains. La France a mal à la tête. Heureusement, Aspro est là. Les premiers aspirants astronautes américains s'entraînent à Cap Canaveral. Et lors de l'inauguration de l'exposition universelle, Bruxelles et le monde découvrent la modernité et l'atomium. Yves Saint-Laurent présente sa première collection chez Dior devant la princesse Margaret. Alfred Hitchcock nous fait trembler avec Vertigo. Et Paul Newman affronte Liz Taylor, la chatte sur un toit brûlant. Les fous du foot découvrent un jeune génie brésilien, Pelé. Régnier, ravi, annonce la naissance de son fils, Albert. Et un peu partout, les concerts d'Europe font la fortune des marchands de fauteuils. Le général de Gaulle est nommé président du conseil avec les pleins pouvoirs. Brigitte Bardot exerce le sien sur Jean Gabin dans En cas de malheur. Leslie Caron charme Louis Jourdan et Maurice Chevalier dans Gigi. Le hula hop tourne les têtes et le reste. De Gaulle prononce à Alger l'un de ses plus fameux discours. Perrier est sur toutes les tables. Et l'Amérique met en orbite son premier satellite Explorer 1. Elvis Presley, pour le plus grand bonheur des parents, va se faire couper les cheveux, à l'armée. Si tu reviens jamais danser chez Temporel. Jeanne Moreau choque dans le film de Louis Malle, Les Amants. Pense à ceux qui tous sont les... Liz Taylor enterre son troisième mari, Mike Todd, le producteur de cinéma. Marcel Breuer inaugure le siège de l'UNESCO à Paris, qu'il a construit. Et Lino Ventura de Funès et le jeune Jean-Claude Brialy vantent la modernité au Salon des Arts Ménagers. Well, Frankie and Johnny were lovers, true as the stars above. Frankie said, Johnny, are you my man? Are you the man I love? Are you my man? But don't you do me wrong. Well, now Johnny walked down to the barroom. He said, man, I sure am dry. He said, give me a soul and joy at you so I can drink it with Nellie Bly. He was a man, but had I done her wrong. Well, then Frankie walked into the barroom. Well, she took that long 44. Then a rooted did to that gal's shoe through that hard boy swinging door. She got her man, 'cause he was doing her wrong, so wrong, poor Johnny. The barroom, well, she took that long 44 and a rooted it too, and that the gal did you through that hard boy swinging door. Well, she got her man, 'cause he was doing her wrong, so wrong. Well, the Frankie sits down in the jailhouse, she down on bent her knee. She said, jailer, tell me what you gonna do to me. He was my man, but had done me wrong, so wrong. He was my man, but had done me wrong, so wrong. Thank you.

C'est d'accord maman, c'est très bien ainsi. C'est d'accord maman, tu me l'as assez dit. C'est d'accord, j'ai eu tort. C'est d'accord maman, j'ai très bien compris. Je ne veux plus t'entendre venir avec papa. Tu es bien trop jeune et cette fille n'est pas pour toi. Bon, c'est d'accord, oui j'ai tort. Elle et moi, oh maman, c'est fini, crois-moi. Je vais quitter la ville, je regretterai les copains. Mais si je devais la revoir, j'aurais trop de chagrin. C'est d'accord, j'ai eu tort. C'est d'accord, maman, oui, je pars demain. Je serai oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, bien malheureux. Mais c'est d'accord, c'est d'accord. Maman, puisque tu le veux, je serai oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, bien malheureux. Mais c'est d'accord, oh maman, puisque tu le veux. Juillet 1963, les Rockers, un groupe de la région parisienne, enregistre C'est d'accord maman, adaptation du That's Alright Mama, le premier succès d'Elvis Presley, sorti presque 10 ans auparavant, c'était en juillet 1954. Cette adaptation aurait pu faire le bonheur de Johnny Hallyday ou d'Eddie Mitchell. Ce classique du rock'n'roll, les Rockers seront les seuls à l'interpréter en français. Blue Jeans, Blue Jeans, rock and roll. En plus une bière et tout le monde, on va gaiement danser le rock and roll. Hey, hey, hey, le rock and roll. Blue Jeans, Blue Jeans. Hey rock and roll. On a la même passion, oui garçon, pour le blue jean c'est rock. Hey yeah, hey yeah, blue jean c'est rock. Qu'on soit grand ou petit, de nord ou de midi, diplômé ou recalé, rien jamais ne nous divise, on a tous de vie. Blue jeans, blue jeans, hey rock and roll. Quand l'été sous la veine, chacun emmène un transistor qui claque. Hey yeah, hey yeah, des grands camarades. Yeah, rockers. On est comme un torselé. Et en blue jean ça va de soi. On claque des doigts. Blue jeans, blue jeans, hey rock and roll. C'est devenu à présent notre slogan et l'on chante constamment. Blue jeans, blue jeans, hey rock and roll. Blue jeans. Jackie Seven, Blue Jean Rock, cette adolescente belge au look sauvage, très peu connue du public, est née le 7 juillet 1944, d'où son nom de Seven. Solitaire, elle abandonnera le rock après s'être mariée au printemps 1962. Elle abandonne le rock en 62, tandis que les Chaussettes Noires enregistrent C'est la nuit, reprise du The Night is Lonely de Jane Vincent.

Rock and Twist, la musique des 60s sur Radio Gamozo. Long distance information, give me Memphis, Tennessee. Help me find the party, try to get in touch with me. She could not leave her number, but I know who placed the call. Cause my uncle took the message and he wrote it on the wall. Help me, information, get in touch with my Marie. She's the only one who'd phone me here from Memphis, Tennessee. Her home is on the south side, high up on a ridge, just a half a mile from the Mississippi Bridge. More than that I cannot add, only that I miss her and all the fun we had. But we were pulled apart because her mom did not agree and tore apart our happy home in Memphis, Tennessee. Last time I saw Marie, she's waving me goodbye with hurry home drops on her cheek that trickle from her eye. Marie is only 6 years old. Information, please. Try to put me through to her in Memphis, Tennessee. Maybelline, Roll Over Beethoven, Deep Feeling et Memphis, Tennessee. Mini hommage à Chuck Berry, l'un des pionniers de l'épopée du rock'n'roll. Elle est blonde, elle est jolie et elle est la fiancée de notre idole des jeunes. En 1964, Sylvie Vartan se transforme en rockeuse en enregistrant Te Voici, reprise du Mean Woman Blues, titre figurant également au répertoire de Eddie Mitchell. Elle est finie ma peine, te voici. Ouais, bien finie ma peine, te voici. Je ne regarderai plus l'heure, c'est fini. On va recommencer, oui, encore à s'aimer. Mes pleurs, je les oublierai. Elle est finie ma peine, te voici. Chaque nuit sera la meilleure, te voici. Rien n'est si tendre que notre amour, qui nous soutiendra de jour en jour. Elle est finie ma peine, te voici. Que tous les pleurs du passé se marrent, te voici. Oh, ne me dis rien, laisse-moi t'embrasser. Car Wharton en rockeuse, plus que du bonheur. En cette année 64, Johnny Hallyday enregistre son album Les Rocks les plus terribles, sur lequel figure Suzy Lou, une chanson rhythm and blues que Johnny a dégotée chez un petit disquaire dans le quartier noir de Nashville. Pour ce genre de chansons, Johnny déclare que les paroles ont très peu d'importance. Tout est dans l'ambiance créée par l'orchestration et la mélodie. Je ne vous dis qu'une chose, écoutez. Des pionniers, ils font partie de la légende du rock'n'roll. De suite sur Radio Gamozo, Carl Perkins, Johnny et les Hurricanes et Buddy Holly, No Fade Away. I'm gonna tell you how it's gonna be. Are you gonna give your love to me? You know my love will not fade away. Oh, well, you know my love will not fade away. My love is bigger than a Cadillac. I try to show it when you're driving me back. Your love for me got to be real for you to know just how I feel. A love for real not fade away. Gonna be, are you gonna give your love to me? I love to

for the money, two for the show, three to get ready. Now go cat go, but don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. But it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah! Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. Carl Perkins, Blue Suede Shoes. S'il y a toutefois un seul enregistrement qui définit la personnalité de Carl Perkins, c'est évidemment celui de Blue Suede Shoes. D'autres artistes ont ajouté à ce standard à leur répertoire, mais aucun, pas même Elvis Presley, n'a pu lui donner le même caractère poignant. Parce que ce titre est l'œuvre d'un artiste tragiquement marqué par le destin. Ils ont marqué le destin à leur manière. Les Pirates font partie de ces groupes qui ont marqué, eux, le rock français de leur empreinte. En 1961, ils enregistrent « Tu mets le feu », une adaptation du « Great Ball of Fire » de Jerry Lee Lewis. Avec tes yeux qui regardent mes yeux, avec ta voix ça ressemble à moi. Avec tes yeux, avec ta voix, tu mets le feu dans mon cœur. Avec tes mots qui résonnent dans ma tête, et tes idées qui servent ma fête. Avec tes mots et tes idéaux, tu mets le feu dans mon cœur. En rien de toi, pour lui m'en fout. Je suis sensible à tout, tout, tout. À tout, de toi, tes yeux, ta voix, tes mots, c'est fou. Avec tes nuits abondantes dans votre amour, avec tes jours, vos parents, ces nuits, c'est fini. Je suis pris, oh, c'est pour toujours. Le feu de la folie. Je suis sensible à tout, tout, tout. À tout, de toi, tes yeux, ta voix, tes mots, c'est fou, fou, fou. Avec les nuits abusant de votre amour, avec tes jours de marrant, ces nuits, c'est fini. Je me suis pris au rocher pour toujours le feu de l'amour. Pas très connue en France, Wanda Jackson est pourtant l'une des voix de la musique populaire, chanteuse qui a énormément contribué au rayonnement du rockabilly, un genre dans lequel elle s'est révélée l'égale d'Elvis Presley ou de Carl Perkins. Pour cela, il suffit d'écouter Let's Have a Party pour s'en convaincre. The goo, but I can shake a chicken in the middle of the room. Let's have a party. Ooh, let's have a party. Who was sending to the store? Buy some more. Let's have a party goo, but I can shake a chicken in the middle of the room. Let's have a party. Ooh, let's have a party. Who has been into the store? Buy some more. Let's have a party tonight. Honky Tonky Joe is knocking at the door. Bring him in and fill him up and send him on the floor. Let's have a party. Getting hot, everybody. everybody run. He got the possum in the pond. Let's have a party. De devenir un nouveau Little Richard pour apporter de la joie aux autres. Good golly, Miss Molly, à l'instant, c'était Moustique, l'idole des gosses de la Bastille. Justement, son idole, Little Richard, Jane Vincent et les chaussettes noires fous d'elle. Allez, le son rock'n'roll, c'est sur Radio Guémozo. C'est elle que j'aime, c'est combien je suis fou d'elle. Je l'aime tant, je l'aime passionnément, fou d'elle. Mon cœur est fou d'elle. Oh, oh, oh. Oui, elle est là, tu me perds, car son amour est sincère. Oui, elle n'a pas 20 ans, mais son corps est troublant. Pour mieux l'aimer, je vais vivre à ses côtés, fou d'elle. Mon cœur est fou d'elle. Oh, oh, oh. Oui, elle est là, tu me perds, car son amour est sincère. Oh, fou d'elle. Jaloux, on me prend pour un fou. Je suis cinglé, mais je ne veux pas changer. Fou d'elle, mon cœur est fou d'elle. Oh, oh. Oui, elle est là, s'il me plaît, car son amour est sincère. Je suis fou, au diable les jaloux. Et mon amour grandira de jour en jour. Fou d'elle, mon cœur est fou d'elle. Oh, oui, elle est là, tu me perds, car son amour est sincère. Et fou d'elle, oh, fou d'elle. I've got my eyes on you, and I like what I see, and it won't be long till you belong to me. I've got my eyes on you, I'm gonna do my part to make you fall in love. I'm gonna win your heart. got my eyes on you. And all your living child, I'm never satisfied. Take you in my arms. Let's move it now. Got my eyes on you, and all your living child, I'm never satisfied. It's in my heart, never satisfied. Little Richard, Lucy, voici le moment de se quitter. Merci d'être resté en notre compagnie. 2 heures pour évoquer le bon vieux temps du rock'n'roll, comme le chante si bien Johnny Hallyday. En tout cas, 2 heures de pur bonheur à l'écoute de ces bons vieux rock. Notez notre adresse internet, radiogemozo.eu, le tout en minuscules et sans accent. On se retrouve dimanche entre 10h et midi pour la rediffusion, et lundi prochain dès 15h pour une nouvelle émission. Salut les 60, excellente semaine sur Radio Gemozo. Won't do you no good to sit and pout.